Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. J'habite Port-au-Prince, une ville de 3 millions d'habitants. Pour qui sait regarder, plus que les biens et les services, ce qu'on y reproduit avec autant de constance que de ferveur, c'est l'inégalité. C'est l'écrivain haïtien Lionel Trouillot qui parle ainsi. Cela commence depuis l'enfance, dit-il. Il y a ceux qui fréquentent une institution scolaire et ceux qui vivent dans la rue. Il y a les écoles des riches et les écoles des pauvres. Il y a les connectés qui font entrer le monde dans leur chambre avec les armes miraculeuses de la technologie. Il y a ceux qui ne savent du monde que le réel immédiat qui les agresse et ne connaîtront jamais que cela, un coin de rue, un tout petit bout de ciel, à moins de survivre aux péripéties d'un voyage clandestin. Né en 1956 à Port-au-Prince, romancier, poète, éditeur, mais aussi professeur de littérature et journaliste, Lionel Trouillot est depuis une vingtaine d'années l'un des grands noms de la littérature francophone. Écrivain engagé dans les luttes sociales et politiques de son pays, il en est aussi l'une de ses voix les plus fortes et les moins réconciliées. Cette voix, on la retrouve au micro de Sophie Nolot dans Sarimakwa. C'était en 2009, à l'occasion de la parution d'un recueil de poèmes, Éloge de la contemplation. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? Avec Lionel Trouillot. Éloge de la contemplation, c'est le titre, Lionel Trouillot, de ce livre de poésie, comme il est écrit en couverture des éditions Rive-Neuve, second livre de poésie que vous publiez en français, après La petite fille au regard d'île, qui était paru à Port-de-Prince en 1994, car vous êtes haïtien, Lionel Trouillot. Vous citez Éluard, vous faites allusion à Baudelaire et à d'autres grands poètes de la terre ferme. J'oublie aussi Pessoa pour son fleuve sans fin et le côté marin. Pour vous, la poésie est française avant d'être créole ? Non, ce serait plutôt l'inverse. La poésie, pour moi, est créole avant. Puis française ? Oui, puis française. C'est-à-dire, moi, je suis né dans les deux langues. Mais le français, c'était pour moi la langue du jour. On pourrait presque dire la langue du père, la langue de la vie publique, la langue de la scolarité. Alors que le créole, c'était un peu la langue de la nuit, de l'intime, la langue du conte, la langue de la découverte, à la fois de moi-même et de la culture populaire haïtienne. Et j'ai publié d'ailleurs mes premiers poèmes en créole. Créole. Et j'avoue que écrire la poésie en français, ça m'est venu plus tard que l'écriture de la poésie en créole. Cela dit, j'écris de la poésie en français, mais j'écris de la poésie avec ce créole en moi et aussi avec une mémoire poétique qui n'est pas limitée à la poésie française. Comment ça sonne le créole ? Au niveau du lexique, quant au lexique, c'est à 80% le lexique français, mais ça à sa sonorité, puisque ça, bon, il y a évidemment des dérivations, il y a les consonances propres à la langue, et surtout il y a une syntaxe propre à la langue, et certains disent que c'est plus chantant que le français. Je pourrais vous dire par exemple, c'est pas faute moins si qu'aime chagrin, à plaver sa caille devant cathédrale, tifiti garçon marché dos à dos, si soleil élevé a roulé ses sauts, mais coule fait minuit, n'y a un flec mouri. Ça c'est un poème en créole. Il y a ce poète aussi, René Philoctète, que vous citez, Lionel Trouillot. C'est ce poète et romancier haïtien qui arpentait les terres mêlées. Ah oui, qui fut pour nous autres écrivains, poètes ou romanciers de ma génération, la grande référence. C'est un poète haïtien qui est mort il y a maintenant peut-être une douzaine d'années, qui a publié toute son œuvre en Haïti, à Port-au-Prince, et qui a marqué, il y a un avant et un après Philoctète dans l'histoire de la poésie. Surtout avec un nom comme cela. Oui, c'était vraiment un très grand poète qui a été le poète du terroir, qui a produit une œuvre extrêmement nativiste, en même temps extrêmement moderne. Et Philoctète, c'est celui qui nous a réconciliés avec notre part d'île, puisque Haïti c'est une presqu'île, on partage l'île avec la République dominicaine, et tout en nous proposant notre vie d'insulaire, non pas comme un enfermement, mais comme un lieu du monde qui a la même capacité de parole, de dire l'universel que le reste du monde. Philoctète, c'est notre grand abri, si vous voulez. Et qu'est-ce que cela représente d'être poète à Haïti ? Je ne sais pas, je n'utilise pas beaucoup le mot poète. Vous êtes écrivain et vous écrivez des poèmes également. Et le mot écrivain aussi, moi je considère les gens qui écrivent comme des artisans qui sont à la recherche de quelque chose qui pourrait s'appeler du texte poétique en ce qui nous concerne ici. Donc si vous voulez, les définitions statutaires, cela ne m'intéresse pas trop. Cela dit, dans un pays comme Haïti, où il y a quand même un déficit de parole, il y a une parole politique qui n'a jamais pu s'établir, il y a un discours de la communauté qui a beaucoup de mal à s'établir, ceux qui écrivent de la poésie deviennent un peu les porte-parole de tout ce qui est non seulement revendicatif, mais de tout ce qui est identitaire. C'est Mahmoud Darwish qui dit dans l'un de ses poèmes: aucun peuple n'est plus petit que son poème. Et surtout quand un peuple n'a pas d'autre discours fondateur que le discours poétique. Donc dans les rues d'Haïti, il arrive que les gens m'appellent poète, ce qui à mon avis n'est pas le cas. Dans une ville comme Paris, on ne salue pas les gens en les appelant poète. Donc il y a une sorte de responsabilité, un enjeu qui est quand même plus important, je dirais, dans un pays comme Haïti. Le discours poétique, c'est un discours dans lequel les gens vont quand même chercher du sens. Cet éloge de la contemplation, suivi des dits du fou de Lille, et enfin Rendez-vous, veut côtoyer autant ce cri du rebellé, comme vous l'appelez, Lionel Trouillot, que le silence du vaincu, ce qui recoupe beaucoup ce que vous disiez à propos de la force et de l'engagement d'une parole là-bas. Au loin, il s'agit pour vous de mettre à l'épreuve cette formule toute faite que vous citez également en ouverture, qui dit réduire les choses à leur plus simple expression. Oui, quelque part, moi, j'essaie, bon, évidemment, c'est un peu prétentieux ou maladroit d'essayer de parler de ce qu'on essaie de faire. C'est dire le désir, l'enfermement, il y en a beaucoup dans ce recueil-là. Les ratages aussi. Oui, il y a beaucoup de ratages. C'est Roland Barthes, je crois, qui dit quelque part que la littérature est l'utopie du langage. Et Pessoa, que je cite souvent, qui dit que la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Et moi, j'essaie donc de dire ce qui manque à la vie, tout en restant très accroché au réel. Donc c'est pour ça que j'ai souvent des situations d'enfermement. Ceux qui parlent dans mes poèmes sont des gens en situation d'enfermement dans une cellule ou dans sa folie. On peut être enfermé dans sa folie et qui cherchent en même temps à dire quelque chose qui dépasserait leurs conditions. Donc d'où en effet cette idée de révolte. Pas forcément une révolte pour soi, pas forcément une révolte de la consommation, mais de préférence une révolte du lieu de la contemplation. Est-ce qu'il n'y a pas toujours plus de choses à voir, plus de beauté à entrevoir, à percevoir, à voir, à regarder, à chercher, plus d'amour, je n'ai pas peur du mot, dans sa dimension collective, plus de belle vie à imaginer, à souhaiter et à regarder. Écrire parce que la vie, c'est pas assez? Certainement, je pense que si la vie était assez, on n'écrirait certainement pas. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, refuge des grands noyés et des explorateurs, les yeux, tels un aimant, attirent la métaphore. Ce n'est point la matière de l'autre que l'on regarde dans ses yeux. Les yeux, comme les miroirs, en appellent à la vanité. Un soir, dans un bar, nous parlions de la liberté. Tu buvais un rhum sour. Par besoin de miroir, je cherchais dans tes yeux des poèmes à chansons. Mais quand tu portais ton verre à tes lèvres, je regardais ton coude. Il n'y a qu'un coude dans un coude. La pointe de l'os sous la peau ne donne lieu à aucune image. Ton coude ne renvoie qu'à ton coude. J'aime ces parties de toi qui ne symbolisent rien. Je regarde ton coude dans son insignifiance et tu deviens une fin en soi. Vous appréhendez la femme, Lionel Trouillot, un peu à la manière de ces anciens blasons du corps féminin. Là, vous partez du coude en citant Aragon et les yeux d'Elsa à mots couverts. Il y avait Paul Éluard un peu avant avec le corps mémorable. Vous passez par les pieds, la nuque, les seins, les mains et le dos où le regard s'arrête. C'est une façon de réinventer une forme ancienne. Aussi, c'est revisiter déjà toute ma mémoire, enfin, une partie de ma mémoire poétique. Il y a aussi des poètes haïtiens, Castera, Philoctète, qui sont très présents dans l'éloge de la contemplation en particulier. Puis c'est essayer justement de contempler l'être dans sa fragmentation même. C'est un peu un petit travail de reconstitution à la fois de mon propre regard et de la personne. Regardez, c'est très paradoxal. Chez moi, il n'y a d'existence que de corps. Qu'est-ce que l'être humain ? C'est un corps qui dispose d'un peu de temps. Et moi, je pars de cet énoncé, de cette réalité tout à fait banale, en me disant aussi que ce corps qui a un peu de temps, c'est aussi le lieu de toutes les merveilles du monde, c'est le lieu de toutes les rencontres, c'est le lieu de tous les plaisirs, c'est le lieu de tout ce qui est imaginable et souhaitable pour l'être humain. Donc j'essaie de, sur le mode du fragment, de dire cela à chaque fois. Et le lieu de tous les contraires aussi. Vous parlez beaucoup du contraire. Et le lieu de tous les contraires, de toutes les désespérances aussi, de tous les malheurs. On ne souffre jamais que dans sa chair. Donc oui, en effet, la notion de paradoxe, voire même l'oxymore, c'est quelque chose qui me semble propre à la, non seulement, c'est pas seulement une propriété du langage, ni une figure, c'est aussi un élément de l'existence humaine. Celui qui contemple le plus, il n'est pas du tout dans le toucher. Je crois qu'à un certain moment même, le personnage dit qu'il y a quelque chose de vulgaire à désirer pour soi-même. Donc, énoncer à la fois quelque chose, un discours qui est le discours du retrait, mais qui est aussi le discours de l'approche, mais une approche par le regard. Et ce qu'il faut dire aussi tout simplement, c'est que ce titre, Éloge de la contemplation, se réfère à la beauté d'une femme. Et il y a un poème d'ailleurs qui oui. Dit cela, et qui est le poème éponyme. Oui, pour moi c'est important, même quand j'écris des romans, le corps féminin a une place première dans ce que j'écris. Je dis souvent que j'écris avec le regard est pour, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je vois d'abord, pour mon bonheur ou pour mon malheur, ça peu importe à la limite. C'est le corps féminin en soi, et certains corps féminins en particulier. Donc, oui, je suis habité par cela. Éloge de la contemplation. Tu m'as dit que tu n'aimes pas qu'on te regarde. Je t'ai dit à tes souhaits. Voilà, je t'ai menti. Je te contemple à ton insu. Si j'avais le talent sur lequel repose la vanité des grands peintres, je te dirais, je te vole ta beauté, mais c'est pour te la rendre. Ce sont des fragments pour célébrer l'absence. L'autre, cette femme dont nous parlions, Lionel Trouillot, tandis que le narrateur, puisque vous parlez d'un « il », vous ne dites pas « je suis poète », mais cette fichue personne qui donc écrit là, est enfermée dans une cellule, c'est une façon aussi de se faire l'interprète des opprimés et l'éveilleur aussi. Et ça rappelle évidemment un autre poète qui lui se disait poète et qui écrivait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir ». C'est la parole d'Aimé Césaire et évidemment on y pense en lisant cet éloge de la contemplation. Certainement, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas en situation de parler. Parce que simplement, d'abord, le monde ne les écoute pas. Et ils n'ont pas les moyens de porter leur parole vers l'autre. Il y a vraiment des gens qui sont en situation, je dirais, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de conditions économiques d'existence, et soit parce qu'ils n'ont pas développé en eux-mêmes la capacité de parler. Il y a beaucoup de silence dans la vie du monde. Il y a beaucoup de silence dans la vie des opprimés. Il y a beaucoup de vaincus. Il y a beaucoup de vaincus, même dans les relations amoureuses d'ailleurs. Il y a un grand nombre de vaincus. Moi, quand j'essaie de prendre la parole, je prends la parole avec cette mémoire des vaincus. Avec solitude de celui qui a été défait, de celui qui... ou de celle. Je ne me sens pas du tout proche des puissants. Je me sens proche des muets, des écloupés, comme dirait Kateb Yassine. Et c'est pour ça que j'écris difficilement. Je, parlant de moi-même, je préfère créer un personnage, une situation fictive, et à partir de là, laisser cette voix être habitée par des multitudes de voix. Cela me semble un peu plus... Je dirais pas plus engagé, mais plus humain, plus... communautaire. Et pour autant, Lionel Trouillot, cet éloge de la contemplation n'est pas un roman, c'est une suite de fragments ou de poèmes selon votre préférence. Est-ce que la poésie dit autrement ou dit plus fort ou dit plus loin tout cela que la prose au long cours? Certainement, j'espère que ceux qui éditent mes romans ne vont pas m'entendre, mais certainement la poésie pour moi demeure le langage premier. Quand on pense au roman, le roman est une forme historiquement datée qui est peut-être appelée à mourir. Il y a d'autres formes de récits. Il n'y a pas d'universalité du roman. Il y a une universalité de la poésie, déjà une universalité de la fonction poétique même du langage, et à une manière universelle, bon, qui prend des formes particulières, mais c'est une propriété humaine de dire le monde par les images et par le rythme, de dire le rapport à la vie, de dire le vécu, de dire même la pensée. Donc il me semble que le langage poétique est un langage premier. Et donc, oui, moi je prends énormément de... Je crois qu'il y a beaucoup plus de vie, il y a beaucoup plus de langage et finalement de littérature ou d'écriture dans un poème d'Éluard que dans de très grands romans. Cette suite de prose raconte une histoire, Lionel Trouillot. C'est l'histoire d'un regard qui s'évade par l'esprit et à la verticale aussi, quand le monde extérieur dont vous parlez brûle, et brûle les yeux jusqu'au fond des prisons. Cette façon de se placer à la fois au centre et enfermé, c'est une façon de voir le monde décuplé? Je ne sais pas, mais il y a pour moi l'idée de disparaître. L'idée de disparaître. Ceux qui parlent dans ces textes, ce sont finalement des gens qui sont promis à la disparition et qui l'acceptent, qui l'envisagent. Même il y a peut-être un discours suicidaire chez le personnage. Il y a un suicide également. de l'éloge de la contemplation. Disparaître, mais disparaître pour mieux voir l'autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot éloge. C'est vraiment rendre un éloge à l'existence de l'autre et au fait d'avoir en soi la capacité de regarder l'autre. Et si le regard se faisait don? Et pour moi, c'est essentiel, cela. Donc il y a une sorte d'humilité, de retrait très humble dans la posture. Et pour que justement une parole plus riche, pas riche seulement des besoins de la voix qui parle, mais riche de tout ce que l'on peut voir quand on ne se regarde pas uniquement soi-même et qu'on regarde l'autre et les autres et le monde à travers un autre ou une autre. Ce qui me lie à toi, ce sont d'abord tes mains. Les miennes sont usées. J'aime que les tiennes les recouvrent. Quand je les prends, tes mains cachent les miennes comme une lecture en chasse une autre. J'aime lire l'avenir dans le livre de tes mains. Les miennes ont les ratures d'un rugueux palimpseste. Avec elles, j'ai creusé fosses, brisé miroirs. Leurs lignes sont épaisses comme cordes de pendu. Les tiennes sont restées très proches de l'enfance. Tu as des mains de petits cours d'eau, des mains de conte qui finit bien. La poésie m'a toujours habité, une des rares formes de communication à justifier le dérangement. C'est ce que vous écrivez, Lionel Trouillot, dans cet éloge de la contemplation. Alors est-ce que la poésie vous habite et vous escorte un peu à la façon de cette cigarette blanche entre vos doigts noirs hein, qui ne vous quitte pas ? Toujours, je crois, oui. Toujours, depuis l'enfance. Je n'ai pas mémoire de moi, n'écrivant pas ou n'étant pas toujours à l'écoute de... seulement de textes poétiques, mais de la poésie même dans le langage des gens, parfois, comme ça, au milieu d'une conversation, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et je me dis, mais il ou elle ne réalise pas toute la beauté qu'il y a dans ce qu'il vient de dire. Oui, je crois que c'est mon rapport premier au langage, et en même temps, sans donner beaucoup d'importance... je dirais au caractère formel que peut prendre la poésie. En ce sens, je pense que un poète comme Éluard, il y a quelque chose de divin. Ce vers d'Éluard est pour moi l'écriture poétique même. Dans Dominique aujourd'hui présente, quand il dit tu es venu, etc. Il dit tes abeilles volaient futur de leur miel. Le futur de leur miel, tout le monde connaît futur. Et le miel et les abeilles. Et le miel et les abeilles, mettre ça comme ça, et ça devient tout de suite... C'est la vie immédiate. Autre chose, c'est Léo Ferré qui disait que ce n'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie qui illustre le mot. Alors nous sommes là à utiliser la langue, les mots de tous les jours, et dans ces mots-là, il y a énormément de poésie, et nous ne mettons pas la poésie des mots en valeur. Moi, j'aime beaucoup les mots. Depuis l'enfance, j'ai toujours été habité par les mots. La poésie m'a toujours habité. Une des rares formes de communication a justifié le dérangement. On est si bien avec soi-même. Pourtant, je n'ai jamais su réussir le moindre vers. J'ai essayé sous divers pseudonymes et de multiples identités. Toujours quelqu'un m'avait précédé, forcé mes antres, usurpé mes dérives, marché sur mon île. Il me coûte de réaliser à chaque lecture que je ne suis guère aussi seul que je l'avais cru. Faute de pouvoir intenter des procès pour mes droits d'auteur à 1 000 milliards d'usurpateurs, je travaille sur une grande œuvre de bricole. J'ai tout écrit sur une même page, de sorte que chaque image prenne appui sur la précédente et la rende totalement illisible. Récrivant tous les livres sur ma vieille feuille déchirée, je garde comme un grand secret tous les mots du monde dans ma tête. J'efface en écrivant, j'écris en effaçant, je l'un ou l'autre, ou l'inverse, n'importe, je cultive les passerelles. Pour moi, c'est ça un peu écrire, c'est cultiver les passerelles, c'est dire à l'autre qui parle ou qui lit, tiens, voilà ce qu'il y a en toi, voilà ce que tu as dit, c'est comme si je vous restitue à vos mots. Comme parler du corps, c'est restituer à l'être qui habite ce corps la beauté de son propre corps. Et puis à force de cultiver les passerelles, Lionel Trouillot, le vers s'installe et c'est le dernier mouvement du recueil qui s'intitule « Rendez-vous ». Et là, vous scandez la phrase en allant à la ligne, et ce ne sont peut-être pas des vers, mais en tout cas sur la feuille, ça y ressemble beaucoup. Oui, parce que j'ai voulu aussi changer de rythme. Et là, comme il y a une vraie rencontre, puisque le texte « Rendez-vous », c'est une vraie rencontre entre un homme et une femme, j'ai voulu que ça soit à la fois sonore et visible pour le lecteur, et qui ait presque une dimension cinématographique, comme si on passait de plan à plan, de séquence à séquence, et pour qu'on puisse à la fois voir et entendre chaque moment de la rencontre. D'où le changement, le rythme en effet un peu plus rapide, plus sec, sans être moins tendre, je l'espère. Cela veut dire, Lionel Trouillot, que si vous n'entendez pas la même voix que la vôtre quand vous écrivez, en revanche, vous voyez les images? Oui, beaucoup. Beaucoup. Écrire, pour moi, quelque part, c'est donner à voir. C'est donner à voir, et pour donner à voir, il faut essayer de voir soi-même. En ce sens, je crois vraiment qu'on écrit avec le regard. Qu'on écrit du lieu. Enfin, moi, j'écris du lieu du regard. Je capte parfois des moments et je les re-regarde, si je puis parler ainsi, et ils sortent. Enfin, quand c'est nécessaire, quand ça m'arrive à la main. Au bout des doigts comme la cigarette. Oui, au bout des doigts comme la cigarette. Désormais Gilles, je vague, je gouffre, je frivole en mal de vertige. C'est dans cet éloge de la contemplation et aujourd'hui ce jeu, il gouffre tout pareil. Toujours, je crois. J'aime bien ce fragment que vous venez de citer parce que là, je joue aussi avec la langue. Pourquoi pas inventer le verbe frivoler? Ça me paraît intéressant. Je crois que la langue, c'est un outil et il faut sortir du... Souvent, quand on est haïtien, on se dit « Ah, c'est pas forcément ma langue, la langue française, donc on est prudent. » Moi, je suis pour une certaine imprudence. Ce sont souvent les étrangers qui la mettent en avant, cette imprudence-là. Gerasim Louka, d'En prendre corps, avait aussi violenté le verbe. Je trouve ça intéressant, d'autant que ça ramène... la littérature à l'enfance, parce que aussi les personnages qui parlent dans mes textes, ils ont quelque chose de très proche de l'enfance, une sorte de fausse candeur ou de fausse naïveté, et en tout cas je crois presque un élan juvénile aussi vers l'autre. Il faut parfois trouver une langue un peu toupie, un peu fofolle pour dire ça, comme des gamins qui s'amuseraient à jouer avec les mots. Il y a ce mot-là dans le recueil, fofolle. Oui, j'aime beaucoup, qui est un adjectif assez utilisé en créole haïtien et qui rend bien, je crois, le côté enfant. En tout cas, nous, quand nous l'utilisons en Haïti, il renvoie tout de suite à l'enfance. Et l'immobile vérition de la langue qui terminait le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Est-ce que vous avez le sentiment, Lionel Trouillot, que vous finissez par la toucher du doigt, cette vérition-là qui n'existe pas et qui est sans cesse à réinventer du côté de la poésie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas à toucher. Je ne suis pas du tout autorisé à évaluer, pour employer un vilain mot, ce que je ne me pose pas la question. La quête continue. Et c'est pour moi ce qui est le plus important. La quête et la bricole. La quête et la bricole, forcément. Moi, nous sommes des bricoleurs, nous, qui faisons métier ou passion d'écrire. La poésie m'a toujours habité. Une des rares formes de communication a justifié le dérangement, écrit Lionel Trouillot. Son éloge de la contemplation, suivi de « Les dits du fou de Lille » et de « Rendez-vous », est publié chez Rive-Neuve Éditions. Pour les lecteurs d'Aimé Césaire, rappelons « Étoiles », le formidable documentaire en images de 52 minutes de Gilles et Lydie Kozak, l'histoire de Robert Saint-Rose, le premier Martiniquais à être parti pour la Lune, avec pour seul carburant la poésie d'Aimé Césaire. Découvrez-le sur le www.lamaisongarage.fr, lien que vous pourrez retrouver ainsi que cette émission à la page Sarimakwa du site internet de France Culture. Sarimakwa, Michel Mestre, Éric Villenfin, Anne-Catherine Lochard, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 septembre 2009 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Well, I've been lying in this dungeon since I was 18. 10 lonely years of my life taken. I've been living in the pages of a magazine. It breaks my heart to awaken. Set me free. Sleep, come free me. Set me free. Set me free. Now the state of Alabama says I killed a man. The jury reached the same conclusion. I remember I was there, hell, with a tire iron in my hand. The rest is all confusion. Set me free. Sleep, come free me. Please, please, please set me free. Just remember your